sans me soucier de ce qu'on pourrait dire. Armé de mon seul sourire, y'a des voyous partout sur le boulevard, des SOS à la craie sur les trottoirs, des chauffards me suivant ralentissant, mais je file en me moquant. L'amour du thriller, le goût d'avoir peur. Danger, je défie le danger. Et si le risque est calculé à tout prix, il me faut du danger. Le ciel peut me chercher dans la fumée. Pour moi, demain, c'est déjà dépassé. Branché à tout casser sur la musique, le reste m'intoxique. La ville peut s'effondrer à mes pieds. Au matin, je rentre pour me coucher et rêver du meilleur. L'amour du thriller, le goût d'avoir peur. Danger, je défie le danger. Et si le risque est calculé à tout prix, il me faut du danger. J'ai le goût du danger. L'amour du thriller, le goût d'avoir peur. Danger, je défie le danger. Thriller, le goût d'avoir peur. Danger, danger, je défie le danger, danger. Et si le risque est calculé, à tout prix, il me faut du danger. Danger, danger, j'ai le goût du danger, danger. L'amour du thriller, le goût d'avoir peur. Calculé, à tout prix, il me faut du danger. Danger, danger, j'ai le goût du danger, danger. L'amour du thriller, le goût d'avoir peur. Danger, danger, je dis le danger, danger. Et si le risque est calculé, à tout prix, il me faut du danger.